Par contre, voilà, Jean, je demandais de venir ici, voilà, comme ça, pour éviter les larcènes, peut-être se mettre devant la sono. Voilà, c'est à toi. Bon, on dit 20 minutes, hein, mais ça peut être plus court, ça peut être un peu plus long. C'est vraiment, on n'a pas de chronomètre ici, hein. Mais juste laisser un peu de temps à la conversation. Bon, ça va être effectivement un petit peu difficile parce que j'ai déjà eu beaucoup de mal à résumer ceci en 100 pages dans un livre. En 1 heure de conférence, c'est extrêmement court aussi. En 20 minutes, ça va être un peu caricatural, mais bon, je vais essayer de me faire comprendre quand même pour montrer que donc il y a un gros problème aujourd'hui entre materner et éduquer. Et on constate une chose, c'est que à force de vouloir lutter contre les inégalités et de lutter contre le sexisme, on arrive à faire dominer le maternage sur l'éducation. J'irais presque à dire qu'à force de mettre la maternage en avant, on arrive à ce qu'il n'y ait plus d'éducation. Alors, ceci n'est pas nouveau, puisque on peut dire que ceci date déjà d'une cinquantaine d'années. Il faut savoir que depuis une cinquantaine d'années, on est dans une contestation de la société patriarcale. D'ailleurs, cette contestation n'a pas commencé il y a 50 ans. Elle a commencé au 15e siècle, à partir du moment où on s'est mis à contester les autorités d'origine divine. Donc, les autorités d'origine divine étaient incontestables, puisque par définition, Dieu ne peut pas se tromper. Donc, il n'y avait pratiquement pas de contestation. À partir du 15e siècle, on s'est mis à contester. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les écrits de Montaigne, Rabelais. Ce sont pratiquement des écrits qu'on pourrait retrouver en mai 68. Erasme, pareil, parlait d'une école où on bourrait la tête des élèves de choses absurdes. Donc, c'est à peu près le discours que l'on tenait en 68. Alors, cette contestation de la société patriarcale, bien sûr, a amené le libéralisme et la démocratie. Ce n'est pas rien. On peut dire que même que ça a fait avancer sacrément la société dans tous les domaines. Cependant, aujourd'hui, on peut parler d'une certaine dérive de ces idées libérales, et je dirais même presque démocratiques, ou que j'appelle aussi féministes dans un certain sens, puisque cette contestation est une contestation de la société patriarcale, donc dirigée par les hommes. Et donc, à partir du moment où on prend le contraire, on peut dire que c'est une idéologie, une vision du monde qui est féministe. Alors, ces dérives portent principalement sur 2 points. Première dérive sur la notion de liberté. Notion de liberté qu'on confond très souvent à la toute-puissance. Et ce sont pourtant 2 choses totalement différentes. Et deuxième dérive sur la notion d'égalité. On a trop souvent tendance à confondre aujourd'hui l'égalité en droit avec le droit à l'égalité. Et ce sont 2 choses totalement différentes. Parce que c'est justement parce qu'il n'y a pas d'égalité, par exemple, entre les hommes et les femmes, qu'il faut absolument qu'il y ait égalité en droit. S'il y avait égalité homme-femme, il n'y aurait pas besoin d'une égalité en droit, ça coulerait de source. Donc on a une idéologie actuellement, je parle d'une idéologie déjà. D'après moi, c'est déjà une dérive quand on est dans une idéologie, parce que ça veut dire qu'on est persuadé d'avoir raison et qu'on ne se remet plus en question. Donc cette dérive est extrêmement importante aujourd'hui et elle a de graves conséquences, bien sûr, sur la société, sur l'éducation des enfants. Cette dérive, elle se trouve particulièrement dans ce que j'appelle l'idéologie du genre. Idéologie du genre, bien sûr, qui n'était pas au départ une idéologie, c'était des études de genre. Des études de genre qui ont fait aussi avancer la société. Je reprends la définition de Najat Vallaud-Belkacem sur le genre. Le genre est un outil conceptuel utilisé par les chercheurs qui travaillent sur les rapports entre les sexes pour démontrer tout ce qui, dans les inégalités, relève de la construction sociale. Ceci est extrêmement juste et ceci, je dirais, est presque parfait. Ceci a permis, donc, ces études de genre ont permis de lutter, de mettre en avant la construction sociale, de mettre en avant les stéréotypes, de mettre en avant les discriminations et de lutter efficacement contre ce sexisme. Donc, c'est une très bonne chose. Pourtant, il se passe des choses aujourd'hui où on n'en est pas plus du tout là-dedans. Aujourd'hui, on peut dire qu'une nouvelle idéologie ne veut plus simplement révéler tout ce qui, dans les inégalités, relève de la construction sociale, mais que toute inégalité dans les comportements et les résultats entre les hommes et les femmes relève de la construction sociale, et notamment la domination masculine. Et ça, c'est totalement faux. Et on le sait maintenant, au moins depuis 30-40 ans, que les différences entre les hommes et les femmes ne viennent pas simplement de la construction sociale. On sait très bien qu'il y a des différences qui sont biologiques, et notamment au niveau des hormones. Entre les hommes et les femmes, nous n'avons pas le même taux de testostérone, on n'a pas le même taux d'ocytocine, et on sait que ces hormones ont une importance considérable sur les comportements. Il y a aussi autre chose dont on oublie très souvent, que l'on oublie très souvent. Il est vrai que c'est beaucoup moins facile à montrer que pour ce qui concerne les hormones, c'est la différence de structuration du psychisme chez les hommes et chez les femmes. Et là, si Catherine Vidal peut dire que le cerveau a une grande flexibilité et qu'on peut être influencé par le fait de se voir offrir un camion ou une poupée, je me dis, est-ce que le cerveau ne peut pas être influencé par le fait de naître dans un corps de femme d'une personne du même sexe ou dans un corps d'homme d'une personne du sexe opposé? Est-ce que ça n'a pas au moins autant d'importance que le fait de se voir offrir un camion ou une poupée? Il faut souligner en plus que non seulement il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi une différence dans la vision que l'on a des hommes et des femmes. Je vous rappelle quand même que l'on est tous nés d'une femme, que l'on a passé 9 mois dans le ventre de notre génitrice, et que dans ce monde, on était dans un milieu liquide, on flottait, donc c'est presque l'idéal, hein, à l'abri des chocs, tout. On était dans un milieu à température constante, on avait tout ce dont on avait besoin, et on n'avait même pas besoin de demander. Si bien que certains ont appelé la naissance la chute du paradis. Eh bien, il se trouve que le petit enfant, après la naissance, il est encore très souvent dans les bras de sa maman, dans les bras de laquelle il ressent à peu près les mêmes battements de cœur, les mêmes odeurs, donc il se sent encore totalement en sécurité. Mais au bout d'un moment, il sent bien que cette maman peut s'éloigner. Et c'est à ce moment-là qu'il va réaliser que cette maman lui a tout donné, et que cette maman qui lui a tout donné, que c'était drôlement bien avant tout ce qu'elle lui donnait, cette maman, et que bien évidemment, cette maman, eh bien, prend une allure un petit peu de divinité toute puissante. Cette maman qui lui a tout donné est non seulement toute puissante, mais à la fois un peu terrifiante, parce que le petit enfant s'aperçoit que si elle s'écarte, eh bien lui, il est complètement perdu. Eh bien, figurez-vous qu'on a tous dans notre inconscient un petit peu cette image de la femme, pas simplement de la mère, de la femme, d'une personne qui est une divinité toute puissante, et vous pouvez le retrouver très bien chez les adultes. Les hommes désirent les femmes, et il est bien connu que les femmes désirent le désir de l'homme, c'est Lacan qui l'a dit, mais je crois que c'est une évidence. Et ceci, bien sûr, conditionne l'éducation des enfants, et bien sûr conditionne aussi l'éducation et l'école. Alors, pour ce qui est de l'éducation des enfants, si on prend le cas d'une famille, je vais encore assez vite là, mais je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que dans 95% des cas, ce ne sont plus les hommes qui fixent les limites dans une famille. La plupart du temps, ce sont les mamans. Pour la bonne raison que les hommes, ne voulant plus paraître macho comme avant et comme le père qui impose tout, les hommes ont tendance à se mettre en retrait pour ne pas qu'on puisse leur dire qu'ils dominent et qu'ils prennent des décisions toutes seules. Et donc la plupart du temps, ce sont les mamans qui dirigent. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête du petit enfant quand c'est la maman qui dirige? Eh bien, figurez-vous que le petit enfant, lui, est tout content. Il est absolument ravi. Puisque ce petit enfant prend sa maman comme une déesse toute puissante, il a la confirmation que sa maman est bien une déesse toute puissante, puisque c'est elle qui commande. Donc, il est totalement ravi. Il est d'autant plus ravi que, bien sûr, si sa maman est une déesse toute puissante, lui étant le fils ou la fille de cette déesse, est forcément aussi une petite divinité toute puissante. Et donc, ça lui convient très bien. Il est totalement à l'aise avec ça. Comment voit-il maintenant l'homme qui est à côté? Eh bien, l'homme qui est à côté est simplement, je dirais, un étranger. Non seulement il arrive avec 9 mois de retard, mais il sera très longtemps, très loin derrière. Au maximum, il sera un serviteur de la maman, pas plus. Ce qui veut dire en tout cas, et là je vais assez vite encore, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'autorité. Quand il voudra parler, l'enfant se référera toujours à la maman. C'est la maman qui va compter, on ira voir la maman, et c'est la maman qui va compter. Lui, ce qu'il peut dire. Alors, je dirais, après tout, pourquoi pas ? Pendant des millénaires, c'est l'homme qui a dirigé la maison. Donc, pourquoi maintenant, ce ne serait pas la femme ? On pourrait se dire, hein, finalement, hein, c'est que depuis 50 ans que ça se passe comme ça, donc c'est pas, quand même pas si long que ça. Le problème, c'est que ce que l'on appelle aujourd'hui l'autorité parentale est très souvent une autorité pas rentable. C'est-à-dire que la maman, en fait, n'a pas d'autorité avec un petit enfant. Elle ne peut pas en avoir. Je vais être assez... C'est assez dur ce que je dis. Elle ne peut pas en avoir pour la bonne raison que le petit enfant va pratiquement toujours obéir à sa maman. Mais le petit enfant n'obéit pas à la règle qui lui est posée. Le petit enfant obéit à ce qui est pour lui un chantage affectif. Il obéit parce qu'il a peur de perdre sa maman, qui est toute puissante et avec laquelle il veut rester. Et donc il fera tout pour faire plaisir à sa maman. Et ceci peut durer jusqu'à 15, voire 20 ans. Vous avez des enfants qui, jusqu'à 20 ans, suivent leur maman à la lettre pour le faire plaisir. Le jour où ils se séparent de la maman, ils risquent d'y avoir des problèmes, parce qu'ils se séparent de la maman, mais les règles, ils n'en ont pas. Ils sont ce que j'appelle hors la loi, dans le sens propre, c'est-à-dire en dehors de la loi, ils n'ont jamais intégré la règle. Alors, il y a aussi une autre raison qui fait que le petit enfant ne peut pas intégrer la loi venant d'une maman. Comment voulez-vous qu'un petit enfant intègre la loi venant d'une personne qu'il perçoit comme une personne qui n'a pas de loi, puisqu'il perçoit sa maman comme une personne toute puissante, c'est-à-dire qui est en dehors de la loi? C'est comme si moi, j'étais dans un lieu public, que je voyais quelqu'un, donc en ayant une certaine autorité, je vois quelqu'un qui est en train de fumer une cigarette, et que je lui dise, monsieur là-bas, vous éteignez votre cigarette, si moi j'étais en train de fumer une cigarette. Est-ce que la personne m'obéirait? Est-ce qu'elle aurait raison de m'obéir? Absolument pas. Et donc, vous voyez bien que cette autorité parentale n'est plus bien sûr une autorité paternelle, ce n'est même pas une autorité maternelle, ce n'est pas une autorité du tout. Il n'y a pas d'autorité, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'enfants qui sont totalement en dehors des limites. Alors comment voulez-vous, une fois qu'ils arrivent à l'école, qu'ils puissent travailler à l'école? Regardez bien ce que vous faites à l'école. Vous êtes obligé de suivre les règles de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, de la grammaire, du calcul, du vocabulaire, des dates, de la position géographique. Ce sont toutes des règles à respecter. Eh bien, ces enfants qui n'ont pas intégré les règles sont incapables de suivre ceci. Moi, j'ai des élèves qui, à un moment, me disent, emploient le mot célibataire à la place de sédimentaire, et qui m'ont dit, mais c'est pareil, monsieur, moi, je me comprends. Effectivement, ils se comprennent, eux, encore, je ne sais même pas s'ils se comprennent, mais en tout cas, ils ne respectent pas les règles de l'orthographe, ils ne peuvent pas être compris par les autres. Donc, tant qu'on aura des élèves, et il y en a de plus en plus dans les classes maintenant, je dis bien, pas tous, hein, heureusement encore, hein, mais malheureusement, ceux qui sont dans les règles et qui voudraient travailler très souvent ne peuvent plus travailler, donc on a de plus en plus d'enfants qui sont totalement en dehors des limites. Et il ne faut pas s'étonner aussi, non seulement s'ils ne travaillent pas à l'école, mais si après, ils se laissent embrigader par des gourous, par des sectes de tout ordre, par des mouvements populistes qui leur promettent monts et merveilles, qui leur promettent effectivement de devenir quelqu'un dans des mouvements intégristes ou dans des mouvements djihadistes. Regardez bien les djihadistes que l'on voit aujourd'hui, ce sont pratiquement tous des enfants sans père. Ils n'ont aucune image paternelle. Que font-ils quand on n'a pas d'image maternelle? Eh bien, on est obligé d'arriver à l'adolescence et même après d'en inventer une image paternelle. Et quand on invente une image paternelle, on invente toujours une caricature. On devrait retenir quand même l'histoire. Regardez ce qui s'est passé dans les années 1930 en Allemagne. Les jeunes Allemands de 20 ans avaient un père, ou je devrais dire un papa ou un homme à la maison, qui n'était absolument pas valorisé. C'est un homme qui était totalement dévalorisé par la révolution industrielle, puisqu'il était passé du stade d'artisan à ouvrier dans une usine où il ne faisait que visser des boulons. Il a été humilié après par la défaite, humilié par le diktat qui a suivi, humilié après quand il rentre à la maison puisque ses enfants et sa femme ont pris sa place, humilié quand il fait travailler parce que son salaire est mangé par l'inflation, quand il a du travail. Donc c'est une personne que l'on ne respecte absolument pas, qui n'a pas de place. Eh bien, que font les jeunes Allemands à ce moment-là? Ils inventent un homme qu'on puisse respecter et qu'on puisse imiter. Cet homme, vous le connaissez tous, c'est le nazi. C'est le nazi qu'on a inventé. Et dans le nazi, ces jeunes sans image de père, eh bien effectivement, trouvent un homme qui est valeureux, de la même façon que maintenant, trouvent dans le djihadiste un homme qui est valeureux, qui fait quelque chose d'utile pour une grande cause. Voilà. Bravo. Donc, je crois qu'il est absolument nécessaire de réagir, et je dirais, encore une fois, vu qu'on est en démocratie, d'accepter au moins de se poser des questions, déjà, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque quand je dis des choses comme ceci, très souvent, on me coupe le micro, parce que ça ne correspond pas à l'idéologie dominante. Je crois qu'il est absolument nécessaire de se poser des questions, et la réponse, vous pouvez le deviner, bien sûr, il n'est absolument pas question de revenir en arrière, puisque d'abord, c'est impossible, et je ne pense pas que ça soit souhaitable. Si je prends, par exemple, le cas de la présence des pères avant dans la famille, ces pères étaient plus des dictateurs que dans la fonction de père. Je rappelle que la fonction de père, c'est de dire la loi qui a été choisie par l'ensemble, ce n'est pas de faire sa loi pour son propre plaisir. Donc il n'est absolument pas question de revenir en arrière, mais par contre, il faut absolument évoluer. Et je dirais que si avant, avec la société patriarcale, on était dans l'enfance de l'humanité, depuis le 15e siècle, donc après, avec cette idéologie féministe, démocratique, libérale, on est passé dans l'adolescence, et je dirais qu'on est aujourd'hui en pleine crise d'adolescence, eh bien, il me semble qu'après l'adolescence, il serait temps de passer à l'âge adulte. Et effectivement, je crois que ce n'est pas facile, mais par contre, ça peut être un très beau projet et qui pourrait donner du sens à nos vies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Jean. Alors, on va ouvrir j'ouvre à la discussion. Donc, s'il y a des personnes qui veulent intervenir sur cette question et puis surtout réagir à ce que nous a dit Jean, vous me faites un petit signe, je vous amène le micro. Simplement, pardon, excusez-moi, est-ce qu'il y a du Larsen ? Voilà, merci. Il y a une question. Moi, j'ai pas compris vraiment en quoi, enfin, même l'argumentation qui fait que la femme ne pourrait pas transmettre la loi, que ce serait à l'homme de transmettre la loi au père. Enfin voilà, j'ai pas bien compris pourquoi la maman pourrait pas faire respecter la loi. J'ai pas compris votre argumentation, quoi. Excusez-moi. Là, il y a la sono. Voilà. C'est tout simple, tout simplement parce qu'elle est perçue comme une divinité toute puissante. Elle est perçue. Et je pourrais, bien sûr, ça serait trop long ici, mais vous montrer que même de grandes féministes arrivent pas à être d'accord avec moi, parce que j'ai eu une discussion une fois où pendant des heures et des heures on a discuté, et la personne n'était absolument pas d'accord avec moi pour penser que la maman et la femme étaient perçues toutes puissantes. Simplement, au bout d'un moment, elle est arrivée, elle m'a dit « Oui, éventuellement, la maman est considérée comme toute puissante par le garçon ». La garçon voit sa maman toute puissante et veut effectivement être épouser sa maman. Mais le garçon, lui, c'est tout la petite fille, c'est le contraire. Elle voit le papa comme tout puissant. Je lui dis non, pas tout puissant. Le papa a peut-être le pouvoir, mais il n'est pas tout puissant. Il faut faire une différence entre la toute puissance qui est fantasmatique, qui est potentielle, et le pouvoir qui est concret. Et en plus, elle me dit, qui ne sait pas que toute petite fille a envie que son père soit amoureux d'elle. Écoutez bien ce qu'elle dit. Que son père soit amoureux d'elle. C'est-à-dire, qui est amoureux et de qui? Ce n'est pas la petite fille qui est amoureuse de son père. C'est... Non, ce n'est pas la petite fille qui est amoureuse de son papa. C'est la petite fille qui souhaite que son papa soit amoureux d'elle. Parce que déjà, à cet âge, elle est persuadée que c'est elle qui est toute puissante, puisqu'elle est comme la maman. Elle me dit exactement le contraire de ce qu'elle voulait me démontrer. C'est-à-dire, en me disant ceci, elle me dit qu'effectivement, c'est la femme qui est vue toute puissante et pas l'homme. L'homme n'est pas vu tout puissant dans ce cas-là, puisque c'est pas lui dont on est amoureux, c'est lui qui doit être amoureux de la fille. Donc juste rapidement, parce que en fait, vous n'avez pas répondu à ma question... Je vous demande en quoi, pourquoi le père il pourrait pas transmettre, pourquoi la mère ne pourrait pas transmettre la loi, enfin pourquoi la mettre. En fait, l'idée, moi je pense que l'enfant, s'il est dans la toute puissance, c'est parce qu'on lui apprend pas qu'il y a des limites, tout simplement, que ce soit la mère ou le père. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est, là vous m'avez pas répondu, vous avez décrété que la mère serait une déesse toute puissante, voilà, c'est tout. Donc je vois pas en quoi, c'est quoi ce décret, quoi, et pourquoi la mère serait une déesse toute puissante. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement, comme ça je peux faire tourner la parole pour d'autres questions? Je vous poserai la question, est-ce que vous pouvez me prouver le contraire? Déjà, je peux prouver le contraire. Et moi, je dis qu'effectivement, une femme qui est perçue par un enfant comme une divinité toute puissante ne peut pas faire intégrer la loi. Et elle est effectivement perçue comme une déesse toute puissante. Et d'ailleurs, la plupart des psychologues et des psychanalystes vous le diront que la maman est perçue toute puissante. La plupart. Alors, bien sûr, on peut très bien ne pas faire confiance aux psychologues et aux psychanalystes, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de preuve scientifique. Il n'y a pas de preuve scientifique, je suis d'accord. Alors, non, parce que... on va laisser une autre personne que toi apporter ce point de vue. Je suis assez perplexe. Parce que tout ce raisonnement repose sur le fait que l'enfant considère sa mère comme une déesse. Et moi, j'ai un petit doute, c'est personnel, sur la psychanalyse en général. Mais alors, quand on va aller psychanalyser dans la tête des nourrissons pour tirer des conclusions, ça me paraît encore plus hasardeux. Vous voulez répondre? Je fais tourner la parole? Allez, je fais tourner. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Depuis tout à l'heure, il y a le monsieur qui parle, j'ai l'impression qu'il fait plus du prêche qu'autre chose. Parce qu'on est tous là, on est d'horizons différentes, de religions différentes, je pense. Et tout en parlant tout à l'heure, vous n'avez pas parlé du principe du genre qui est apparu dans les écoles, par exemple. Parce que vous parlez des enfants, les enfants vont tous à l'école en France, on est d'accord. Et quand il y a eu la loi, par exemple, sur la loi du mariage pour les homosexuels, J'ai pas eu l'impression en France que tout le monde s'est indigné par rapport à ça. Là, vous prêchez depuis tout à l'heure. Donc je pense que vous êtes un peu... je vais pas vous mettre dans une case, mais je pense que c'est un peu chrétien ce que vous dites. Le principe du matriarcat, de la femme qui... agnostique, vous ne croyez en rien alors. Mais là, on est en France. La France est chrétienne, elle est purement chrétienne. Pardon ? La France n'est pas chrétienne. Non ? Vous êtes agnostique. C'est bon, dis pas n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, frère. D'accord, mais vous avez parlé du principe du genre, de la femme qui est censée dominer parce que l'enfant va écouter la mère plutôt que le père. Mais pourquoi, vous m'avez dit ? Non, ce que vous avez dit, c'est que, au fait, l'enfant subit une pression. En vérité, l'enfant subit une pression. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est que c'est le Larsen, c'est pas. Moi je comprends pas tes termes techniques, frère. Je comprends pas tes termes techniques. C'est parce que ça siffle. Ok. Le vocabulaire est important. L'enfant ne subit pas une pression, il a l'impression de subir une pression. C'est pas la même chose. Donc en gros, si l'enfant écoute la mère. C'est parce qu'il a une pression, parce qu'il pourrait soit recevoir des bisous, soit perdre sa mère. C'est ça, au fait. Mais c'est quoi une famille? C'est quoi une famille? Qu'est-ce qui lie les membres d'une famille, si ce n'est l'amour? La pression dont vous parlez, moi j'ai l'impression plutôt que vous parlez d'amour. Sauf que vous avez d'autres termes, vous pensez différemment. On ne parle pas d'amour, ici on parle de limites. Mais quelles limites l'enfant a, si ce n'est les limites que les parents lui donnent? Et tout le monde vous entend pas. À condition qu'elles soient intégrées, bien sûr, on peut donner des limites. Si elles ne sont pas intégrées, ça ne sert pas à grand-chose. Excuse-moi, j'ai pas écouté parce qu'on m'a interrompu. Je dis qu'effectivement, les parents donnent des limites, quoique ce n'est pas toujours évident, puisque aujourd'hui, vous savez bien que les limites sont mal perçues. Quand on pose des limites, on a l'impression aujourd'hui d'être fasciste. Donc on a plutôt tendance à y aller doucement et même à réfléchir plusieurs fois. Et très souvent, d'ailleurs, on laisse l'enfant pendant pas mal de temps. Et pendant tout ce temps... Il faudrait bien savoir que l'enfant, lui, se perçoit comme tout puissant, puisqu'on ne lui dit rien pendant un certain temps. C'est simplement après, quand on a réalisé, oui, effectivement, il faudrait peut-être lui dire quelque chose. Bon, mais comment on va lui dire pour pas trop le traumatiser? Et en plus, maintenant, c'est qui va lui dire? Et c'est là que se pose le problème, parce qu'en démocratie, c'est celui qui remporte l'élection qui l'emporte. Mais quand on est deux, comment on fait? Comment on fait? En démocratie, peut-être, mais une famille... Normalement, la République n'a pas à s'introduire dans la famille. La République n'a pas à s'introduire dans la famille. Une famille, c'est quoi? C'est un père, c'est une mère. Bon, il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Je peux laisser la parole. Ou juste conclure sur ce que tu veux dire. En fait, j'invite chacun, parce que je crois que Jean apporte des idées, il a un point de vue, un discours qui peut être qui peut être blessant, ou peut-être des personnes ne sont pas d'accord et ils ont envie, chacun peut avoir envie d'engager un dialogue avec lui. Or, on est en assemblée, donc moi j'invite les personnes à poser une question à Jean, il va y répondre et après je vais faire passer la parole à une autre personne. Parce que si chacun engage un dialogue, lui, avec Jean, ça va plus être très, très agréable pour l'ensemble des personnes présentes. Merci, bonjour à tout le monde. Moi j'acquiesce très largement à ce qui a été expliqué par Jean, pas 100%, mais... La déchéance de l'autorité du père, c'est quelque chose de très réel dans notre société. Moi, je le ressens très fort. Je me bats contre, mais c'est une évidence. On est dans une société qui est tournée vers l'enfant. D'ailleurs, les mères sont devenues des mamans. Hein. Maintenant, on ne dit plus une mère, on dit une maman. Et les pères ont tendance à suivre la loi de la mère. Je peux aussi ajouter que dans les sociétés latino-américaines qui ont une très forte structure matriarcale, la mère interfère beaucoup dans les relations entre le père et les enfants. Elle dit aux enfants, va donner un baiser à ton père. C'est elle qui donne l'instruction à l'enfant. Je connais bien, j'étais marié avec des Mexicaines. Elle donne l'instruction à l'enfant d'aller embrasser son père. Elle interfère dans la relation affective avec le père. Vous avez orienté la conséquence de cette modification qu'on connaît dans notre société sur le djihadisme. Je pense qu'en nombre de personnes, c'est très mineur. Par contre, sur le fait que les jeunes personnes, les jeunes adultes dans notre société veulent absolument tout de suite, le nouveau téléphone, le nouvel écran plat, le nouveau ceci, cela. Là, il y a peut-être une conséquence plus grave dans le sens sociétal. Je ne parle pas au niveau de la vie des personnes qui sont tuées, mais dans le sens sociétal. C'est peut-être une conséquence un peu plus lourde. Je vous pose la question. Mais... Vous voulez répondre ou je continue de faire tourner le micro ? J'ai simplement pris l'exemple du djihadisme, et bien sûr, ça a des tas d'autres conséquences sur la société. Vous voulez intervenir ? Oui, mais j'avais des choses à dire. Hein. Maintenant, je vais lui poser la question parce que vous allez me dire il faut tourner la parole. Je vais lui poser la question. Alors, ma question, c'est... une question, je sais pas, à quoi vous voulez en venir? Parce que moi j'ai l'impression, vous dites, il faut se poser des questions, mais vous arrivez avec des convictions. Vous avez vraiment l'idée que c'est comme vous le pensez, que c'est comme ça que ça se passe. Or, non, je suis désolée, il y a des faits, il y a la société existe, l'autorité parentale, on ne peut pas parler d'autorité de la mère ou d'autorité du père, chaque famille gère cette autorité. Et je ne vois pas à quoi vous voulez en venir, parce qu'au début, vous avez parlé, il y a deux dérives. Et vous dites, vous parlez de l'égalité en droit, moi je dirais l'égalité des droits. Vous pensez que juridiquement, la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme? Et vous pensez que c'est une dérive? Quelles sont les deux dérives que vous avez citées? Quelles sont ces deux dérives? Vous pensez que l'enfant qui naît, c'est inné chez lui, cette vision qu'il a, elle est innée. Or, vous oubliez, il y a l'éducation qui vient après. Rien n'est inné. L'autorité n'est pas innée, elle s'apprend. Pour vous, l'autorité, elle est innée. Or, non, je suis désolée, elle n'est pas innée. Bon, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai parlé que aujourd'hui on confondait l'égalité en droit, qui est obligatoire dans une démocratie, et qui est obligatoire justement parce qu'il n'y a pas de droit à l'égalité. Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Il ne peut y avoir qu'égalité en droit. Et cette égalité en droit est indispensable. Est indispensable. L'autorité n'est pas innée non plus, elle s'apprend, et elle s'apprend justement dès les premières années. C'est-à-dire, elle s'apprend par l'intégration des limites, et comme j'ai dit tout à l'heure, une intégration des limites qui ne peut venir avec un petit enfant que d'une personne qui est considérée comme ayant des limites. Qui ne peut pas venir d'une personne qui est considérée comme n'ayant pas de limites. Eh bien, j'ai dit tout à l'heure que la maman était vue par les petits-enfants comme une divinité, d'une certaine façon, qui est toute-puissante. Et donc, si elle est toute-puissante, ça veut dire qu'elle n'a pas de limite. Mais bien sûr que c'est inconscient, mais bien évidemment que c'est inconscient. Mais il n'empêche que l'inconscient réagit bien sur, a bien une influence sur nos comportements. Tout au long de notre vie, cet inconscient est... Tout au long de notre vie, notre inconscient, eh bien, a une influence sur nos comportements, sur nos réactions. Mais si, l'autorité, ça s'apprend dès les plus jeunes âges, justement, quand on apprend aux enfants, eh bien, qu'il y a des limites à respecter, qu'il y a une loi à respecter. C'est ça, l'apprentissage de l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, faites attention, ce n'est pas l'autoritarisme. C'est apprendre qu'il y a des lois à respecter. Ce n'est pas apprendre à respecter une personne. Parce que là, on est dans l'autoritarisme et on est dans le fascisme. C'est... Comment ? Non, la mère, justement, n'a pas d'autorité. Elle ne peut pas avoir d'autorité. Parce qu'elle ne représente pas la loi. La mère, avec un petit enfant, ne peut pas représenter la loi. C'est simplement après 5 ou 6 ans qu'une femme peut effectivement représenter l'autorité quand le petit enfant est capable d'accéder au symbolique. À 5 ou 6 ans, on peut dire à l'enfant, ta maman, eh bien, elle représente la loi, tu dois l'obéir parce que c'est elle qui dit la loi. Mais un petit enfant qui a 2 ans, vous pouvez lui expliquer pendant des heures et des heures ce que c'est que la loi, ça ne rentrera jamais. Alors, je voulais passer la parole... Alors, attendez, parce que tu es déjà intervenu. Je vais passer la parole à Adèle et à toi et... Toi. Attends, je passe d'abord là et à madame ensuite. Merci. Oui, alors plusieurs points. Donc, je vais peut-être être un tout petit peu longue, mais je reparlerai plus après. Enfin, j'essaierai. Oui, alors déjà, je suis d'accord avec ce qui a été dit avec le monsieur tout à l'heure. Ce qui se passe dans la tête du fœtus, dans le ventre de la mère, c'est purement de la projection adulte. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, d'accord, il y a des personnes qui disent qu'on peut y retourner par l'hypnose, etc. Mais enfin, ça reste projeter ce qu'on a envie d'imaginer, ce qui s'est passé dedans par rapport à ce qu'on voudrait quand on est adulte. Pour moi, c'est vraiment purement de la projection. Par contre, vous avez parlé de chantage affectif. Très franchement, le chantage affectif, on peut le voir avec le père comme avec la mère. Hein. Ça peut marcher exactement de la même façon des deux côtés. Enfin, vous me direz non si vous voulez. Vous dites que la loi, c'est le père. Alors, et vous parlez de la psychanalyse, donc vous avez parlé notamment de Lacan. À la fin de l'enseignement de Lacan, il dira bien, c'est pas la loi, c'est le père, la loi c'est le langage. La loi, elle est au niveau de la structure de la langue. C'est là-dedans qu'elle est la loi. Et il n'y a pas que le père qui parle, qui utilise... Non mais je sais, vous parlez de la nomination par le nom du père, etc. Mais après, Lacan aussi sort de cette voie-là. Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon ça va être trop long. Mais... Donc, si la loi, c'est les règles de langage, à partir du moment où, par rapport à la toute-puissance, elle peut venir de la mère, mais elle peut venir du père aussi, et elle peut, cette toute-puissance, elle peut revenir chez l'adulte qui subit un traumatisme. À un moment, il peut ressentir, à ce moment-là, que l'autre est tout-puissant par rapport à lui. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les barrières qu'il avait créées avec le langage pour séparer son corps du corps de l'autre, elles disparaissent. Et donc, ce qui crée la loi, c'est justement ces barrières par la structure de la langue. Et elles sont pas forcément induites par le père. Ça peut, enfin, moi, je ne vois pas en quoi ça ne peut pas être... j'entends tout ce que vous dites, hein, mais je ne suis pas d'accord, donc je le dis. Donc, ce que je dirais, du coup, pour terminer, c'est que, pour moi, le problème actuellement, c'est pas moins de pères, plus de pères, etc. Le problème, c'est que, justement, le langage, la parole n'engage plus. C'est-à-dire que, comme on... avec la mondialisation notamment, mais aussi tout l'aspect virtuel, il y a beaucoup de récits qui arrivent en confrontation les uns avec les autres. Et il y a aussi, avant l'essor de la science qui a insisté sur la vérité tant plus sur la forme que sur le fond des énoncés, il y a aussi le néolibéralisme qui fait que tous les énoncés doivent supporter du coup une logique économique. Donc toutes ces choses-là font que actuellement la parole ne donne aucune vérité, elle n'engage pas. Donc à partir du moment où l'enfant se trouve avec un adulte qui lui donne une parole mais qui n'est pas engagé dans cette parole et donc qui peut se tromper lui-même et tromper l'enfant dans cette parole, c'est là où la loi il n'y en a plus, c'est là où le cadre il n'y en a plus. C'est pas une question de père ou pas de père. Enfin, voilà mon avis. Une réponse et après je fais tourner la parole. Je crois que vous confondez encore, comme j'ai dit tout à l'heure, la toute-puissance qui est fantasmatique avec le pouvoir. Le pouvoir, lui, est réel. Effectivement, le père, celui qui tient la fonction de père dans la famille, a effectivement du pouvoir. Et effectivement, il peut contraindre avec ce pouvoir. Mais ce n'est pas la même chose que la toute-puissance fantasmatique. Je signale quand même une chose aussi, quand je parle de père, je parle de fonction symbolique de père. Et la fonction symbolique de père n'est pas forcément tenue par le géniteur, ni même par le papa. Elle peut très bien être tenue par quelqu'un d'autre. Hein? Donc, autre chose maintenant. Au niveau de cet inconscient que l'on critique, ça me fait, c'est quand même bizarre que l'on dise qu'il ne faut pas tenir compte de l'inconscient parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Excusez-moi, mais quand on parle de construction sociale, c'est bien dans l'inconscient pourtant. Et toutes les féministes du genre ne parlent que de construction sociale, c'est-à-dire que dans l'inconscient, le fait d'offrir une poupée ou un camion, ça a une influence. Est-ce qu'on a des preuves? On n'en a pas plus de preuves. Je suis désolé. Et pourtant, on nous le redit, hein. Donc que cet inconscient est là et qu'on influence les gens de cette façon. Moi, je vous dis qu'effectivement, il n'y a pas de preuve, parce qu'on n'aura jamais de preuve de ce qui se passe dans l'inconscient d'un petit enfant. Mais moi, ce que j'ai fait dans mes études, j'ai regardé ce que je considère comme un postulat. Excusez-moi, ce n'est pas une croyance chez moi, c'est un postulat. C'est-à-dire, je prends une chose et j'essaye de le vérifier. Et chaque fois que j'essaye de vérifier chez un petit enfant, je m'aperçois que mon postulat fonctionne. Je me dis, s'il fonctionne très souvent, il a peut-être des chances quand même. Alors que l'inverse, le postulat inverse qui dit qu'il n'y a pas de cet inconscient, que cet inconscient n'existe pas, eh bien, je vous le dis, la preuve, je l'ai donnée avec cette féministe qui me dit exactement le contraire. Parce que quand elle me dit que la petite fille demande que son père soit amoureux d'elle, excusez-moi, c'est au niveau de l'inconscient que ça se passe aussi. Hein? Donc pour vous dire, moi je n'ai pas de croyance, comme je vous dis que je n'ai pas de croyance en Dieu, je suis agnostique, et sur toutes les questions, je reste avec des questions. J'avance effectivement un postulat, et j'attends qu'on me le démonte ce postulat. Et si on arrive à me le démonter, je serai très content, parce que ça veut dire que je me trompe, et donc je vais avancer. Mais je l'avance, et même si dans la société actuelle, je dirais que 84... Comment ? Le postulat, c'est que, mon postulat de départ, vous l'avez dit tout à l'heure, tout ce que je dis vient du fait que le petit enfant perçoit, que l'humain perçoit la femme comme une déesse toute puissante. C'est ça le postulat. Et effectivement, à partir de là, vient tout ce que l'on peut voir sur l'éducation, sur la toute puissance des enfants, qui n'est pas remis à sa place, c'est-à-dire qu'on laisse sans limite. C'est ça. Mais effectivement, comme vous dites, c'est une question. Simplement, moi, il y a 90% des gens qui sont contre ça. Et même, on me traite de macho, de réactionnaire, alors que j'ai toujours dit que je ne voulais pas revenir en arrière, que je voulais avancer. Hein? Et si vous trouvez des propos sexistes dans tout ce que j'écris, dans mes livres, dans mes articles, sur Twitter, ailleurs, dites-le-moi. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait que je me corrige. Mais ça m'étonnerait beaucoup que vous en trouviez. Alors, je continue à faire tourner la parole. Nous, c'est éducation populaire, donc... n'hésitez pas, vous me faites un petit signe, et puis quand ce sera votre tour, je vous ferai tourner la parole. Je donne la priorité aux gens qui n'ont pas parlé, et j'ai mon voisin qui a été le premier à demander la parole, et je lui ai toujours pas donné, alors je m'excuse, mais il va intervenir, et après je te passe le micro direct. Oui, tout le monde, parce que je voulais répondre, enfin, attendez. Oui, je voulais répondre à monsieur, parce que monsieur, tout à l'heure, il a parlé d'un sujet hyper précis, genre l'éducation nationale. Alors, oui, d'accord. Alors moi je voulais revenir sur le sujet de l'éducation nationale quoi. Moi qui n'est pas français, et ben je me permets de vous dire mon avis par rapport à ça. Et ben moi je sans trop raconter ma vie, j'ai passé 24 ans sur les bancs d'école. J'ai un bac plus 5. Je suis pharmacien et fier des lettres, bien évidemment. Par contre, comme monsieur a dit, les gens qui ont failli à l'école, ils vont devenir des terroristes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que les gens qui réussissent pas à l'école, ils réussissent ailleurs, quoi. Enfin, ils peuvent devenir des menuisiers, des plombiers, des... Non, mais si jamais ils vont vers le terrorisme, c'est-à-dire que c'est pas de notre faute. Monsieur a bien fait son travail, je vous rassure. Mais par contre, moi, je suis pas adhérent de ces idées, quoi. Genre, le mec qui réussit pas, on le met dehors. Ou dehors, d'accord. Est-ce qu'il y a une structure qui va, genre, lui fournir d'éducation, un travail, une formation même? Non. Il n'y a que des formations depuis 2012. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, mais par contre, j'aime pas comment il a interprété ça. Non, non, non, non, non. Non. Tu parleras quand monsieur te donnera la parole, monsieur. D'accord? Non. En tout cas, j'ai pas fini. Quoi. Voilà. Alors, monsieur, l'éducation, moi, je me présente, je m'appelle Saber. Et j'ai 35 ans, j'ai un bac plus 5, je suis pharmacien. Non, trois fois, mais c'est la dernière fois que je vais le dire parce que de toute façon, je vais rentrer après. Non, monsieur, l'éducation nationale, c'est un flagrant délit. C'est de la fiotte. Parce que nous, ce qu'on apprend au lycée, au collège, à l'université même, si on peut aller un peu loin, quoi. Ben, on nous apprend à exécuter des ordres, quoi. Comme monsieur, qui dit que tous les musulmans, tous les arabes, qui sont en échec de scolarité, ils vont aller en Syrie, ils vont devenir des terroristes. Et ça, je ne peux pas l'admettre, parce que moi, j'arrive de loin. Merci. Je peux faire tourner le micro, allez. Bon. Allô, bonjour à vous tous. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est sur le sujet, c'est que vous mettez les gens en concurrence dans le cadre privé, ou aussi, par exemple, dans l'éducation, déjà, le métier de professeur, c'est un métier humaniste. Donc du coup, c'est comme le médecin, il a choisi ce métier, il a signé le pacte Astocrate. C'est un métier humaniste, je veux dire. Et professeur, c'est pareil, c'est dans le cadre humanisme. Ça n'a rien à voir, c'est neutre, c'est par rapport à la politique. Et quoi d'autre, qu'est-ce que je veux dire sur ça? Et que dans le cadre privé, ça reste un cadre privé. Donc quel intérêt que vous pouvez mettre en concurrence la femme et l'homme? Ça n'a aucun intérêt de mettre en concurrence la femme et l'homme dans le cadre privé. Et dans tous les cas, les enfants, c'est vrai que leur repère, les premiers repères, c'est leurs parents. Donc du coup, c'est vrai, il y a une certaine affection. Après, ils intègrent la scolarité dans l'éducation, collective. C'est vrai que leur premier repère, c'est les parents, je dis, sans mettre la concurrence dans ça. Donc du coup, tu peux pas dissocier les parents ou prendre une certaine pensée ou certaines oppositions que la mère est de toute puissance. Donc quel nom, vous pouvez dire toute puissance. Donc ça fait dans votre dialogue, c'est dans des propos, c'est un certain propos de concurrence. Donc du coup, mon sujet à moi, qu'est-ce que je voulais dire pour vous contredire, ça n'a rien à voir avec l'éducation. L'éducation, c'est vrai. C'est les parents, c'est les premiers repères des enfants. Les parents. Et c'est vrai, les enfants, ils vont dans l'éducation commune, dans les écoles. Ça s'accompagne avec les parents à l'école, associés. Les profs avec les parents avec les enfants avec les parents, et les enfants avec les profs avec les enfants. C'est commun. Donc du coup, vous n'avez aucune légitimité pour dire qu'ils sont en concurrence ou quel rapport d'analyse au nom de qui. Donc quel pourcentage, quelle étude a été menée. Et dans le cadre privé, ça reste un domaine privé. Donc du coup, pour mon point de vue, c'est un peu hors sujet. Et c'est pas légitime ce que vous avez dit, je pense. et on peut être d'accord ou désaccord. Et autre chose que je veux dire, d'être père, c'est pas un fonctionnement, il n'est pas fonctionnaire, c'est pas un métier d'être père. C'est pas un métier. Et la loi, excusez-moi, ça n'existe pas dans la famille. C'est des règles. C'est l'éducation, c'est des règles. Il n'y a pas de loi. C'est pas une démocratie ou quoi que ce soit. C'est une vie commune. Je vous laisse la parole, je vous en prie. Vous voulez répondre, attendez. Oups. Ce qu'on appelle la loi dans la démocratie, bien sûr, c'est la loi, mais dans la famille, comme vous dites, c'est la règle, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et dans la société ou dans la famille, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres choses que l'on ne peut pas faire. D'autre part, vous avez parlé de concurrence. Moi, j'ai jamais parlé de concurrence entre l'homme et la femme. J'ai simplement parlé de différence. C'est pas la même chose. Effectivement, la société patriarcale était sexiste avant, puisque on n'acceptait pas la différence. C'est-à-dire, la différence de la femme était considérée comme inférieure. Donc là, on était dans le sexisme. Aujourd'hui, pour lutter contre ce sexisme, on tend à supprimer la différence. Mais on est toujours, je dirais, dans le même sexisme. C'est-à-dire, on est toujours dans la dénégation de la différence. Et chaque fois qu'il y a dénégation de la différence, eh bien, ce que l'on constate maintenant, ce n'est plus la femme qui est considérée comme inférieure, c'est ce qui est masculin qui est considéré comme, je dirais, une maladie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Elisabeth Van Inter qui l'a dit, qui a parlé la conclusion de son livre X et Y, vers la guérison de l'homme malade. Donc, et effectivement, à partir du moment où on n'accepte pas la différence, à partir du moment où il y en a un qui est différent, eh bien, on va essayer de lui trouver des torts. Et c'est ce qui se passe. Il me semble qu'on sortira du sexisme quand on acceptera que l'on soit différent. Et qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Et quand on apprendra, non pas à dire que l'autre est nul, mais à gérer la différence. Actuellement, on ne gère pas les différences entre les hommes et les femmes. Comment voulez-vous qu'ils s'entendent ? De la même façon qu'avant, les hommes voulaient que les femmes réagissent comme eux, et si elles ne réagissaient pas comme eux, elles étaient nulles, il fallait les mettre sur le bûcher. De la même façon, maintenant, il faudrait que les hommes réagissent comme les femmes. Mais on n'y arrivera jamais. Pour avancer, il faut qu'on connaisse les différences qu'il y a entre un homme et une femme, et qu'on accepte de les gérer en bonne intelligence. C'est-à-dire, effectivement, c'est le contraire de ce qu'on nous dit du matin au soir, qu'il faut être spontané, naturel. Quand on vit avec une personne différente, on ne peut plus être spontané et naturel. Il faut réfléchir à ce qu'est l'autre et comment pouvoir réagir, comment pouvoir se comporter par rapport à l'autre qui est différent. Moi, quand je suis avec des copains, je peux leur donner des grandes tapes dans le dos, ça leur causera aucun problème. Si je fais ça avec une femme, je ne suis pas sûr qu'elle apprécie. Donc, j'ai appris qu'une femme n'aime pas la même chose et donc je ne fais pas la même chose avec une femme. Voilà, et je ne suis pas naturel. Donc c'est ça que j'appelle, mais je n'ai jamais parlé de concurrence entre l'homme et la femme. Il y a une vie ensemble, c'est justement, on parle beaucoup de vivre ensemble, et bien il me semble qu'il faut vivre ensemble entre hommes et femmes, et apprendre à vivre ensemble entre hommes et femmes, en étant différents. Et je crois même que c'est ce qui nous enrichit. Si on était pareil, on aurait tendance à être naturel et à redevenir des animaux. Alors que là, la différence nous force à devenir humains. Oui, moi j'ai oublié la moitié des choses que je voulais dire avec toute cette intervention, mais enfin c'est pas grave. Quand je vous écoute, je crois entendre parler Éric Zemmour. Hein, c'est le masculinisme pour moi. En plus, je ne comprends pas votre manière d'exprimer la montée du nazisme parce que les pères sont rentrés. Mais en France aussi, les femmes ont été travaillées, les pères sont rentrés blessés, amochés, et ça n'a pas monté le nazisme. Je crois que vous confondez tout aussi. Hein. Quant à dire qu'une féministe vous a dit, attendez, quant à dire qu'une féministe vous a dit que la petite fille voulait que son père soit amoureux d'elle, excusez-moi, mais vraiment, je ne peux pas digérer ça. Ça, c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas une féministe qui vous dira ça. Pour moi, vous êtes le représentant, j'ai oublié le nom de ce film que j'avais vu fait par un Québécois, où j'ai découvert ce que c'était que le masculinisme, et j'ai le... Surtout, donnez-moi les titres de vos livres, que je ne les dise pas parce que ça va m'énerver. Oui, je voulais juste dire, suite à votre intervention, qu'à Debout Éducation Populaire, on essaye d'être sur un débat de fond et pas d'attaque de personne. Donc même si vous faites... Non, mais je dis ça aussi pour la suite. Pour la suite aussi, si on peut essayer d'être sur les arguments qu'il a avancés et voilà, faire des oppositions, au contraire, là-dessus, mais pas essayer de voilà d'aller vers qui est cette personne et de voilà. Oui, mais je pense que le climat reste clairement bienveillant, donc on continue la conversation et je prends les tours de parole, vous me faites un petit signe. Bon, vous voulez savoir ce que j'ai écrit? J'ai écrit effectivement un premier essai il y a une dizaine d'années qui s'appelle, et qui se vend toujours d'ailleurs, qui s'appelle « Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi », parce que je considère que le féminisme a apporté énormément de choses, mais comme toute vision du monde, comme toute idéologie, elle fait aussi des erreurs, et donc c'est pour ça que je parle de dérive dans le féminisme. Je n'ai jamais dit que le féminisme était une dérive, j'ai dit qu'il y avait des dérives dans le féminisme, et celles que je vous ai dit tout à l'heure, les dérives sur la notion de liberté, sur la notion d'égalité. Alors effectivement, comme vous dites, énormément de gens me prennent pour un masculiniste, et on me compare à Éric Zemmour, mais vous n'avez pas bien lu ce qu'écrit Éric Zemmour, en tout cas vous n'avez pas bien lu ce que j'écris, parce que j'ai jamais proposé comme lui de revenir en arrière. J'ai absolument jamais proposé de revenir en arrière. Au contraire, je suis totalement en désaccord avec Éric Zemmour sur ses conclusions, même des fois sur ses analyses. Lui, c'est un nostalgique du passé, moi absolument pas. J'ai absolument pas du tout envie de revenir en arrière. Hein? Comme je vous ai dit, les pères avant ne jouaient guère mieux leur fonction de père que maintenant. Hein? C'était des gens qui se prenaient au sérieux dans un rôle et qui étaient plus dictateurs qu'autre chose. Ils faisaient leur loi pour leur plaisir. Ils ne disaient pas la loi pour le bien de l'enfant. Donc, aucune envie de revenir là-dessus. Aucune envie de revenir là-dessus. Autre chose que je voulais dire aussi, j'ai un peu oublié moi aussi, comment ? Oui, l'explication du nazisme, bien. Mais en France, vous avez la même chose, à moins de degré, parce que la France a été considérée comme vainqueur, mais vous avez eu le régime de Vichy qui est arrivé après. C'est la même chose, c'est un mouvement réactionnaire, c'est-à-dire parce que les hommes sont dégradés, on veut revenir à un homme qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Mais c'est un peu la même chose. Donc, masculinistes, je vous rappelle que les masculinistes sont des gens qui sont réactionnaires, qui sont sexistes. Je vous dis encore une fois, si vous trouvez quelque chose de réactionnaire et de sexiste dans mes écrits, dites-le-moi. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens préfèrent me dire que je suis réactionnaire, masculiniste, sexiste. Ça leur donne très souvent bonne conscience de ne pas lire ce que j'ai écrit. Parce qu'effectivement, on ne lit pas quelque chose qui vient d'un réactionnaire, bien évidemment. Donc. Donc juste pour revenir sur ce que vous avez dit là, sur quelques sophismes que vous avez utilisés, parce que moi j'appelle ça des sophismes. Premièrement, vous nous inventez des choses dans un inconscient, enfin, où, bon, il y a des choses qui existent hein, dans la psychanalyse, mais pareil, la psychanalyse, ça a été critiqué. Donc, rapidement, vous me dites, prouvez-moi le contraire. Donc, par définition, l'argument sophistique de tous les religieux, par définition, quelque chose qui n'existe pas, bah, je ne peux pas prouver que ça existe, donc ne me demandez pas de vous prouver le contraire. Ça, c'est un classique de la religion, quoi. C'est ce qu'on a dit à Saddam Hussein, par exemple, à un moment donné. Prouvez-nous que vous n'avez pas d'armes de destruction massive. Comme M. Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive, comment pouvait-il prouver qu'il n'avait pas d'armes de destruction massive? On ne peut pas prouver, par définition, quelque chose qui n'existe pas, on ne peut pas le prouver. Donc voilà, premier argument sophistique. Deuxièmement, donc après vous convoquez des psychanalystes. Bon, évidemment, il y a la psychanalyse freudienne qui nous dit que l'enfant, au départ, il y en a toute fusion. Voilà, d'accord. Et après, petit à petit, ça, il se détache parce que voilà, il y a le père, il y a plein d'autres choses. Mais il y a des stades dans la psychanalyse. Bon, en plus, premièrement, c'est l'inconscient freudien. L'inconscient freudien a été critiqué. C'est pas l'inconscient de tout le monde, d'accord, etc., etc. Et deuxièmement, oui, il y a des stades dans la psychanalyse. Si on s'en tient qu'à la psychanalyse freudienne, bon, évidemment, il y avait le langage chez Lacan, mais dans la psychanalyse freudienne, enfin, Lacan, il va faire il va travailler plus sur le langage, il va mettre plus en évidence le langage, puisque ça, c'est un structuraliste, etc. Mais dans la psychanalyse freudienne, il y a des stades. À un moment donné, voilà, l'enfant s'aperçoit que la mère, c'est pas non plus voilà, la toute-puissance. Puisqu'en fait, au départ, la mère, si on va dans votre sens, enfin, si on veut dire que la mère, c'est la toute-puissance, c'est parce qu'en fait, la mère, au départ, bah, l'enfant, il est un peu en fusion avec la mère, et puis il a besoin de la mère pour manger, etc. Et puis quand la mère est pas là, bah, il mange pas. Hein, mais ça, c'est vraiment tout petit. Et après, ça change. Il y a des stades. Hein. Il y a plusieurs stades dans la psychanalyse freudienne. Donc, rapidement, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur... Ah oui, voilà. Donc, c'est votre méthode aussi qui est sophistique, parce que vous partez d'une conséquence que l'on constate peut-être un peu tous, que en fait, l'enfant, il est dans la toute puissance, c'est vrai. Bon, il y a un problème. Mais après, c'est la cause. En fait, alors, vous trouvez une cause hypothétique, Et vous dites, bah si, c'est vrai ma cause, puisque vous voyez bien la conséquence. Mais la conséquence, on est tous d'accord sur la conséquence. Le problème, c'est les causes. C'est les causes, sur la cause qu'on n'est pas d'accord. Voilà. L'histoire de l'enfant qui garderait pendant toute sa vie une mère toute puissante, je sais pas quoi, déesse toute puissante. Non, bah non, bah non. Et en fait, là, moi je suis d'accord avec vous. Le problème des limites, moi le problème, c'est le problème des limites. L'enfant, on lui donne pas de limite. Moi, je vois un gamin qui crie dans le métro. Si sa mère lui dit pas d'arrêter de crier dans le métro, bah, le gamin, il va continuer à crier, il va se croire tout puissant. Il est là, le problème. Mais la mère, elle peut lui dire d'arrêter de crier aussi. Hein. Elle peut avoir des moyens de coercition, comme le père. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est la limite. On est d'accord qu'en ce moment, les enfants, il y a un problème. Ouais, c'est vrai que, bon, après, il y a eu toute la critique de Françoise Dolto, l'enfant roi, etc. Bon, voilà. Donc, le problème, c'est, on est d'accord sur les conséquences, mais c'est sur les causes quoi, qu'on n'est pas d'accord. Et votre argument sophistique, c'est de dire, mais vous voyez, ma cause, elle est bonne puisqu'il y a telle conséquence. Sauf que le problème, vous partez de la conséquence. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Une réponse de Jean. Oui, vous parlez de sophisme pour mon postulat. Simplement, votre postulat est un postulat inverse, mais c'est le même sophisme. La seule différence entre mon postulat et le vôtre, c'est que le... Si, si, c'est un postulat. C'est un postulat, vous supposez qu'il n'y a pas cet inconscient. Mais vous le supposez. Et simplement, la différence entre mon postulat et le vôtre, c'est que le vôtre est actuellement, depuis une cinquantaine d'années, il est soutenu par quatre... J'ai dit qu'il n'y a rien qui le prouvait, j'ai pas dit qu'il existe. Mais il n'y a rien qui le prouve, mais votre postulat, pareil, il n'y a rien qui le prouve non plus. Simplement, il est soutenu actuellement par 80, voire 90% de la population, alors que le mien, il est soutenu par 10%. Bien sûr, mais le fait qu'il soit soutenu par 10% n'est pas non plus une preuve qu'il est mauvais. Parce que à ce moment-là, si le fait d'être soutenu par 10% était une preuve que c'est mauvais, ça voudrait dire que Hitler, en 1940, avait raison. Réponse directe, du fait. Non, viens, j'ai ici, je veux pas de Larsen. Le problème de Hitler n'a rien à voir là-dedans, enfin bon, bref, c'est pareil, il faudrait le prouver. Juste, là, les 90%, non, en fait, vous, votre ennemi, c'est pas les 90%, c'est pas la société, c'est un... toute petite partie de féministes, c'est une toute petite partie de féministes que vous critiquez, mais attaquez-vous à cette petite partie de féministes. Ne faites pas de votre problème un universel, c'est ça, en fait, ce qui va pas avoir. Ne généralisez pas, voilà, c'est ça. Dites-moi, par exemple, aujourd'hui, dans la majorité de la population, combien y a-t-il de personnes qui considèrent que la fonction de père et de mère doit être différente? Il n'y en a pas beaucoup. Je répondrai tout de suite à ce qu'a dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'effectivement, la fonction de père est une fonction et qu'effectivement, l'homme dans une famille doit être un fonctionnaire. Pour que la famille fonctionne, il faut un fonctionnaire qui joue sa fonction. Et j'insiste sur le fait de jouer sa fonction, c'est-à-dire ne pas se prendre au sérieux dans la fonction que l'on doit jouer. C'est-à-dire, on doit la jouer pour le bien du petit enfant, on ne doit pas le faire pour soi-même. Donc on doit jouer et avec humour, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai, que le père n'est pas plus fort que la maman pour donner les limites, mais on le fait simplement parce qu'on sait que l'enfant le prendra mieux si ça vient du père que si ça vient de la mère. Je dis bien jouer et avec humour, toujours avec humour, se dire qu'on est là simplement pour le bien de l'enfant, et s'il faut jouer, on joue, et on en rigole après même s'il faut. J'avais besoin de dire deux choses, mais bon, là, une chose. Moi, je trouve que vous êtes plein de certitudes et que vous partez d'exemples précis, parce qu'il y a des réponses à tous les cas de figure qu'on pose. Vous posez n'importe quelle hypothèse, vous allez trouver une réponse à ce que vous posez, comme même si elle est absurde. Et vous, le problème, c'est que vous en faites une généralité de cette réponse. Ah, c'est ça, il y a une réponse, donc, ah, c'est toutes les réponses, ça doit être ça. Moi, ça me gêne que vous ayez plus de certitude, surtout quand vous dites que dans le subconscient, on est avec, inconsciemment, c'est inscrit dans notre subconscient que la maman est une divinité, c'est une déesse. Qui vous dit que c'est inscrit, que cette vision, elle est dans l'inconscient? Comment vous le savez? Et moi, ce que je sais, c'est que quand on a un problème dans l'âge adulte, on va puiser dans l'inconscient de la personne pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui n'est pas en conformité avec ce qu'elle est réellement. Mais le subconscient, je ne sais pas d'emblée qu'est-ce qui est inscrit dans ce subconscient. Et quand vous dites que l'enfant intègre ça, c'est une certitude pour vous, et donc il grandit avec l'idée que sa mère c'est une déesse, mais alors l'enfant c'est à la fois, il peut être une fille ou un garçon. Mais pourquoi il y a des différences quand même? Vous maintenez, vous soutenez qu'il y a des différences adultes entre la femme. Bien sûr, il y a des différences, on est tous d'accord. Qu'est-ce que vous apportez comme nouveauté quand vous dites que la femme, elle est différente de l'homme? On est d'accord, c'est un fait. Mais l'égalité, elle est dans les droits. Mais maintenant, quand vous dites que dans le subconscient, l'enfant voit sa mère comme une divinité, et en même temps, vous faites une différence des adultes, mais l'enfant, il est à la fois une fille ou un garçon. Et pourquoi vous maintenez ces différences? Vous voulez parler? Bon, vous parlez de certitude. Moi, je constate une chose, c'est que je demande toujours à faire des conférences, et surtout parmi les gens, avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que faire des conférences avec des gens qui sont d'accord avec moi, je ne vois pas du tout l'intérêt. Si les gens viennent m'écouter, qu'ils ont déjà les mêmes pensées que moi, moi, si je vais écouter une conférence, c'est écouter des gens qui pensent différemment. S'ils pensent comme moi, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, je constate une chose, c'est que beaucoup de personnes, et je dirais beaucoup de féministes notamment, n'acceptent absolument pas que je fasse des conférences dans certains coins. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à des endroits où des féministes qui ont des places dans des conseils régionaux ont fait pression sur les organisations pour que je ne fasse pas la conférence. Et les pressions, c'était des pressions financières. Si vous invitez M. Gabart, on vous supprime vos subventions. Donc, qui n'accepte pas des positions différentes et qui est sûr de ses certitudes? Qui a des certitudes? Ce n'est pas moi. Moi, je propose un postulat, je vous dis, et je suis prêt. Si on me démontre ce que je dis, je veux bien. Mais je vous dis, moi, j'ai un postulat. Je le répète, je constate que très souvent, ce postulat, quand même, marche. Et on me dit que ceux qui me disaient tout à l'heure n'étaient pas féministes. Si je prends le cas de Sonia Riquiel, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas féministe. Si on prend le cas d'Isabelle Alonso, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas féministe. Et quand vous leur posez des questions, quelles sont les impressions qu'ils ont quand ils voient un homme nu, eh bien vous verrez que ce n'est pas du tout les mêmes réactions que les hommes. Mais si, mais j'ai jamais dit qu'ils n'avaient pas le droit, je dis simplement que c'est différent. Et qu'il y a une différence entre les réactions des hommes et des femmes. Eh bien oui, mais si on est d'accord, alors acceptez qu'il y ait aussi une fonction de père et de mère qui soit différente. Pourquoi pas? Si il y a une différence, si non seulement on est différent, mais en plus on est vu différemment par les enfants. Donc il faut accepter qu'il y ait une fonction qui soit différente. Une fonction, c'est-à-dire, on joue une fonction, c'est-à-dire, à certains moments, il faut fonctionner de cette façon, à d'autres moments, il faut fonctionner d'une autre façon. C'est tout simple. Je dis bien, contrairement à ce que disait monsieur tout à l'heure, effectivement, quand on est parent, on est des fonctionnaires. On doit être fonctionnaire. On doit faire en sorte que ça fonctionne. Et je dis bien, le fonctionnaire doit agir en neutralité. C'est-à-dire, ce qui est l'affectif est d'un autre domaine. L'affectif est autre chose. C'est pour ça que je dis, dans la notion de père et de mère, il y a trois dimensions. Il y a le père qui est géniteur, qui est face à la génitrice. Il y a le père qui est le papa, qui donne l'affection, qui donne l'image de l'homme. Comme la maman donne l'affection et l'image de la femme, et il y a la fonction de père et la fonction de mère. Fonction symbolique, bien sûr. Et la fonction symbolique, je le répète, qui peut être tenue par une autre personne que le papa, ou que le, et à plus forte raison que le géniteur. Et même par plusieurs personnes. Et je voudrais dire que si actuellement l'école ne fonctionne pas, c'est parce qu'effectivement, plus personne ne veut donner la fonction de père à l'enseignant. Et tant qu'on ne donne pas la fonction de père à l'enseignant, eh bien, effectivement, les enfants n'écoutent pas l'enseignant. Tant que les parents ne diront pas à leur enfant « tu écoutes ton professeur », eh bien, effectivement, ces enfants n'écouteront pas le professeur. Et vous avez beau améliorer les méthodes comme on fait maintenant, on fait des réformes. En 30 ans d'enseignement, j'en ai vu au moins 30 de réformes. Et effectivement, l'école s'est considérablement améliorée en 30 ans. Malgré tous les défauts, elle s'est considérablement améliorée. Regardez ce qui se passait dans les années 1960 et regardez l'école maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Eh bien, vous voyez les résultats, ils sont en constante baisse. Et je dirais que la motivation des élèves est inversement proportionnelle aux efforts qui sont faits pour les motiver. Pourquoi? Parce que les enfants n'écoutent plus. L'enseignant n'est plus passé dans une fonction de père et personne ne l'écoute. L'enseignant est considéré comme un homme ridicule qui passe son temps en vacances et qui gagne grassement sa vie. Et c'est tout. que c'est un feignant. Et comment voulez-vous que les enfants écoutent un feignant? Alors je dirais qu'avant, avec des enseignants qui étaient peut-être un peu trop des dictateurs, on créait des névroses. Actuellement, on va plutôt créer des psychoses. Parce qu'on dit à la fois aux élèves qu'il faut travailler, et à la fois on leur dit que les professeurs sont des nuls. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si ils travaillent, ça veut dire qu'ils écoutent des nuls, et donc ils sont nuls. S'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas des résultats scolaires, et on leur tape encore dessus. Moi, je trouve que c'est une situation qui est totalement perverse. Et effectivement, il ne faut pas s'étonner si on a de plus en plus de cas de, pas de névrose, mais de pathologie. Alors, j'ai pas mal de personnes qui veulent intervenir. Il y a Jean qui a répondu, avec beaucoup de détails à pas mal de questions qui ont été posées. Vu qu'on arrive... On s'approche de la fin de l'atelier. Je vais faire tourner le micro et peut-être que pour prendre les interventions de plusieurs personnes et puis peut-être que Jean conclura et puis on pourra passer à l'intervention suivante. Moi, ce que je trouve de pervers, c'est de projeter ce que l'enfant pense à nous ou l'inverse. C'est que on parlait de Deep. Enfin, si j'ai tout compris, c'est qu'on parlait de Deep tout à l'heure. C'est un peu ça. La fille qui voudrait que son père ait son amour. Je ne suis pas freudien, je ne suis pas lacanien. Mais dans votre définition, c'est bien ce qu'on a compris. Je pense que c'est un peu pervers, par contre, de penser ça. Parce qu'on a été enfant, certes, mais on ne l'est plus. Et on ne l'est plus à la même époque, surtout. Donc on ne peut pas penser ce que l'enfant pense à ce moment précis alors que nous ne sommes plus enfants. C'est pervers, ça, de penser ça. Et quand vous parlez du respect du professeur, c'est une chose, mais à l'école, si vous parlez d'éducation, on parle des parents. Faut pas mélanger les parents et les professeurs. Les professeurs parlent aux enfants, les enfants parlent aux enfants et les parents parlent aux enfants. Mais qui a le plus la priorité? Les enfants sont les parents, sont les enfants des parents. Là où il y a un problème, c'est qu'on la République, la République, vous comprenez bien, donnera des ordres ou dira aux parents comment se conduire. Juste un exemple tout simple, c'est des parents qui sont dans les transports avec leurs enfants. Je vous tutoie public, et on va voir des parents par exemple qui vont s'énerver et qui vont parfois taper leur enfant dans les transports. Il y a des parents qui se trouvent gênés de faire ça parce que qu'est-ce que pense la personne qui est à côté de moi? Ça ne devrait pas compter. Le moment où il y a maltraitance, c'est quand il y a punition ou il ne devrait pas. Moi, je pense. Pardon? Il ne doit jamais y avoir punition, mais uniquement sanction. Sanction, punition, vous savez, les frontières sont limites. Et dès le moment où on part du postulat que les parents ont de l'amour pour leurs enfants, on pense pas directement à la maltraitance. Maintenant, tout dépend de ce que vous définissez comme maltraitance. Est-ce que si je plonge mon enfant dans de l'eau froide à 0 degré pour le punir, c'est de la maltraitance? Oui, c'est de la maltraitance. J'ai pas fini. Ne pas éduquer un enfant, c'est aussi de la maltraitance. Vous avez parlé tout à l'heure, on vous a laissé parler. Je finis? D'accord. Ça, c'est de la maltraitance. La punition, c'est quoi? Tu n'auras pas de goûter. Mais encore, on retombera dans ce que vous dites tout à l'heure, c'est que l'enfant subit une pression. Mais qui l'achète, ce goûter? C'est bien moi dont je vais au travail, c'est moi qui achète ce goûter. Donc c'est normal que je le punisse en lui disant qu'il n'aura pas de goûter. Mais entre nous, est-ce que la punition de « je te trompe dans l'eau froide et je te donne pas de goûter », est-ce que c'est pareil? Non, je pense pas, encore une fois. On est d'accord? Non, mais là, on est toujours dans la confusion de la punition et la sanction. C'était juste oui ou non. J'essaie de conclure. C'était juste oui ou non. Est-ce que c'est de la punition ou de la maltraitance? Faut connaître la limite entre les deux. C'est là le rôle du parent et le rôle de la République où elle est pour comme arbitre, si on veut. Mais encore une chose, je voudrais vous dire une chose, c'est que cet homme défend son livre et sa façon de penser. C'est une chose. Mais on a tous le droit de penser différemment. Il n'a pas le postulat de prétendre qu'il a la façon de penser unique. Mais c'est pas parce qu'on pense différemment, c'est pas parce qu'on parle différemment qu'on devient tout de suite hors norme. On a juste notre façon de penser. Vous êtes d'accord? C'est tout ce que je voulais savoir. C'est autour de... Non. Ah, il y a un monsieur qui n'a pas pris la parole. Extrêmement rapidement, si la femme est disqualifiée pour être l'autorité parentale de l'enfant parce qu'elle est considérée comme une déesse, qu'est-ce qui reste pour être l'autorité? Pour être l'autorité, il reste qui? Donc ça peut être que le père. Ce que vous démontrez, c'est que les enfants doivent être éduqués et la figure parentale doit être le père. D'accord, ok. Vous pensez pas un instant qu'on peut laisser le soin aux parents? On peut laisser le soin aux parents d'éduquer librement leurs enfants, chacun à leur manière. Ne pas imposer un modèle d'éducation. Ça me paraît un peu présomptueux de dire, voilà, l'ensemble des parents devraient éduquer leurs enfants de telle manière parce que leur mère c'est comme ça, le père c'est comme ça. Non, non. Et je crois que l'élément essentiel, c'est pas la figure parentale dans l'éducation d'un enfant, ce qu'il construit, c'est l'amour. Bonjour. Je m'adresse à vous parce que je travaille dans les écoles avec les enfants. J'ai les pieds dedans. Je trouve ça assez hallucinant, le discours que vous avez quand vous parlez de la femme, sachant que y a certains hommes qui sont parfois perdus. Vous avez un discours qui peut être très dangereux en public. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte que les mots, ils ont un impact énorme. Voilà. Et moi, j'ai grandi sans papa. Et ma maman n'est pas une déesse pour moi, pas du tout. Mon papa était plus un roi, je le voyais plus autrement. Donc pour vous dire que déjà, c'est voilà, faut pas faire au cas par cas et généraliser, parce que tout le monde n'est pas pareil. Je pense que quand vous dites que les écoles ne fonctionnent pas, moi je suis dedans et je trouve qu'elles fonctionnent. Et qu'aujourd'hui, on a une école de mixité formidable, où on apprend tellement de choses, c'est excellent, exceptionnel. Et ensuite, pour les enseignants, lorsque vous dites qu'ils sont mal vus, moi j'ai vécu l'école de l'enfer. J'ai eu des enseignants qui n'ont cessé de me répéter que j'étais débile, que je n'y arriverais pas, que j'étais incapable. Donc, dans votre discours, c'est pareil, vous généralisez aussi. Ah si, vous généralisez parce que tout ce que vous dites, ça peut être réel. Mais c'est vraiment pour un minimum de personnes. C'est pas une généralité et je pense que... C'est comme quand vous avez dit aussi que la plupart des enfants qui étaient devenus djihadistes, aujourd'hui, c'est par rapport à la figure paternelle. Non, mais je vous dis, je réponds à ce que vous dites, c'est un débat, on a tous le droit de parler, voilà. Et il y a une chose qui me choque, c'est que souvent, chez des enfants djihadistes, la femme, elle est reléguée sur le côté. Souvent, elle doit fermer sa gueule, je vais le dire clairement, et elle n'a pas figure d'autorité du tout. Donc comment est-ce que vous pouvez expliquer que ces enfants-là soient justement... influencés par leur maman ou quoi. C'est pas possible. Vous faites des généralités. Et je pense que dans ce que vous dites, il y a un peu de réel. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme, dans cette société, il a beaucoup de mal à trouver sa place. Ça, c'est véridique. Parce que la femme, elle a évolué. Parce que aujourd'hui, on a des droits. Et des droits qu'on défend ouvertement. Parce qu'on a eu beaucoup de mal à les avoir. Sachant qu'il y a encore des femmes chez elles qui se font tabasser tous les jours. Et qui n'ont aucun droit. Donc, dans tout ce que vous dites, je pense qu'il faut vraiment faire attention à vos mots, vraiment, parce que vous pouvez toucher des personnes qui sont autour de vous, notamment des hommes qui peuvent être dans la souffrance. Non, mais c'est pas une plaisanterie, hein, parce que vous parlez de psychologie, j'en ai fait aussi, j'ai fait beaucoup de psychologie par rapport aux enfants, et je pense que on est tous propres à chacun, d'avoir chacun son éducation, avec ses traditions, parce qu'évidemment, je pense que dans l'éducation, il y a la tradition, donc on n'éduque pas tous de la même façon, et je pense qu'au lieu de chercher à savoir de qui va... avoir la puissance à la maison, il faudrait plus parler d'une égalité dans le couple. Je pense que si dans un couple, il y avait une égalité, tout se passerait très bien. Tout passe par le dialogue, monsieur. Tout passe par le dialogue et non pas par celui qui va contrôler à la maison. C'est là où vous avez tort. Et c'est comme ça, justement, qu'il y a des problèmes. Quand un contrôle tout et l'autre n'a rien le droit de dire. Et là, pour moi, c'est un retour en arrière. Vraiment. Qui d'autre vous voulez intervenir? Il y a Adèle, monsieur. Ouais. Alors. Ouais. D'accord. Merci. Ouais, moi je voulais. Alors j'ai pas suivi le début du débat, donc peut-être que j'ai pas entendu certaines choses, mais j'ai pas entendu dans le discours de monsieur tout ce qu'on lui reproche. Et en particulier, je voudrais réagir un petit peu à ce que disait l'intervenante précédente. Il me semble que vous avez parlé de fonction et pas... vous naturalisez pas le vous n'avez pas une vision simplement naturaliste où il y aurait le père d'un côté, la mère d'un côté, avec, dans des rôles qui seraient absolument immuables. C'est-à-dire qu'on peut, il me semble que c'est ce que vous, quand même, c'est ce que vous avez dit, que on faisait fonction de père, on jouait le rôle. Quand il parlait du fonctionnaire. Oui, mais le fonctionnaire, c'est celui qui fait fonction d'eux. Et donc, faire fonction d'eux, alors peut-être que ça, je ne l'ai pas entendu, mais il me semble que dans la dernière partie, il me semble qu'il a dit que la mère peut jouer le rôle du père et le père peut jouer... Enfin, bon, alors peut-être j'ai pas entendu cette partie-là. En plus, c'est bizarre parce que je me retrouve un petit peu à défendre... ce que vous dites, alors qu'il y a des choses, par exemple, puisque moi aussi je suis enseignant, enfin je l'étais pendant 12 ans en lycée pro, en zone sensible, et je ne me reconnais pas du tout dans la fonction que vous attribuez au prof, pour le coup. C'est-à-dire que je pense que très largement, la fonction du prof, elle se joue au-delà de l'autorité. Enfin, ou en tout cas, à côté d'eux. Il y a un préalable, il faut effectivement qu'il y ait un minimum d'autorité, mais réduire le rôle du prof à celui de l'autorité, de la fonction d'autorité, ça me semble quand même très très court. C'est vrai que de ce que j'ai vu de mon expérience, mais là c'est empirique, donc avec les limites que ça comporte, les familles dans lesquelles les enfants avaient le plus de difficultés, il me semble, c'était quand même, donc moi j'enseignais dans des milieux très populaires, c'était des familles dans lesquelles la femme était seule et elle n'arrivait pas effectivement à contrôler son gamin, et donc le gamin dans la classe, il était absolument comme il était chez lui, c'est-à-dire qu'il était un tyran, quoi. Voilà, mais pour autant je méconnais pas d'autres difficultés, notamment les difficultés économiques, hein, la ségrégation sociale, la ségrégation raciale également, hein, qui contribue à toutes ces difficultés dans l'enseignement. Mais voilà. Mais ça, je pense, c'est un autre débat. Merci. Je prends encore trois interventions. Voilà. Je prends encore trois interventions assez courtes de préférence, si possible, et puis j'en conclurai. Donc, en fait, dans ce que j'ai bien compris dans votre propos, c'est que le problème de l'enfant, c'est que tant qu'il ne voit que sa mère comme une déesse, il ne peut pas acquérir cette notion d'autorité. Mais moi, il m'avait bien semblé comprendre quand même qu'à partir d'un certain âge, l'enfant confronté à l'environnement extérieur se rend compte que sa mère n'est pas une déesse. Donc, une fois qu'il a désacralisé sa mère, pourquoi l'autorité ne serait plus accessible ? Après, pour le cas d'une mère seule, pour l'avoir vu, le cas d'un père seul, c'est aussi le même problème. C'est un débat tellement compliqué. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste. Moi aussi, j'ai eu une fille. Mais le mot de déesse est célèbre dans les mythologies grecques. On arrive au sujet actuel, c'est un débat démocratique. Ben, si les enfants ils voient leur mère comme une déesse, ils ont raison au début. La mère, elle mérite être comme une déesse. D'abord, un enfant dans le ventre de sa mère, il reste 9 mois. La première séparation, avec l'accouchement, ça commence avec la naissance. Ça, c'est la première. Une étape dans l'autonomie de l'enfant, dans la relation contre l'autorité d'abord. Si une mère, elle s'occupe de tout, une mère, elle s'occupe de toutes les choses des enfants d'abord, l'enfant a besoin naturellement d'une mère dans tous les domaines. Alors, au début, il peut imaginer sa mère comme une déesse. Mais avec le temps, il apprend que sa mère, ce n'est pas une déesse, mais c'est une relation entre enfant et entre une mère. Après la première séparation, avec le temps, un enfant doit gagner son autonomie aussi. Moi, je suis contre l'autorité. À la place de l'autorité, on peut créer une relation égalitaire entre l'enfant, entre la mère, entre le père. Quand dans la plupart des cas, les pères sont que le père biologique, dans les autres domaines, ils ne sont pas pères. Par exemple, si vous créez un rapport avec la sociologie, dans 60% de séparation, divorce, c'est pas le père qui s'occupe des enfants, les enfants restent avec leur mère. Ça, c'est une vérité. Il y a une différence nature, mais dans la différence nature, l'homme il est différent, la femme elle est différente sur le plan biologique. Mais les autres différences, c'est pas les différences naturelles, les différences qui se créent par le système de précédent qui arrivait jusqu'à maintenant. C'était le système paternel, machiste, masculin. On peut dire même au début de l'Europe, jusqu'à 18e siècle, sur le continent de l'Europe et ailleurs. Les femmes, elles n'avaient aucun droit, ni accès économique, ni accès social, ni accès culturel, ni accès politique. Par exemple, quand on commence dans la première démocratie, on dit, démocratie grecque, peut-être il y avait ailleurs aussi d'autres modèles, mais quand il y a une centralisation européenne, on ne sait pas. C'est une démocratie machiste, masculine, parce que les femmes, elles n'avaient pas droit. En même temps, sur le plan économique, les pauvres, ils n'avaient pas droit de participer dans l'affaire de cité parce qu'ils étaient esclaves, ils étaient pauvres. Alors, le même démocratie, c'est une démocratie limitée, c'est continu jusqu'à, on peut dire, le 18e ou avant, ou 19e. Mais les femmes, quand elles ont commencé à lutter, et le pouvoir de l'homme a commencé à détruire. Vous avez un problème avec les féministes, ça je sais, on avait déjà discuté. Finalement, c'est un mouvement. Mais les féministes, elles ont joué un rôle important dans l'évolution sociale de la femme, leur accès au système économique, système politique, système culturel. Et puis on arrive après. Avec la guerre, quand tous les hommes sont partis à la guerre, avant aussi c'était comme ça, première guerre, parce que les femmes elles n'avaient pas droit d'être soldats, tout ça. Même c'est un combat qui ça continue aujourd'hui, je suis anti-militariste. Mais sur le plan droit, quand on parle, sur le droit d'égalité, c'est normal, femme aussi elle peut participer. Surtout avec la première guerre mondiale, en Europe il y avait un changement. Parce que les hommes ils sont partis à la guerre, les femmes elles ont occupé l'affaire de la famille, ils ont obligé à nourrir les enfants, ils ont obligé à approvisionner le front et tout ça. Et puis leur conscience aussi a commencé à changer. Pourquoi? Une femme, un homme, on est tous humains. Alors, un débat c'est important. Tout à l'heure, monsieur, il vous a accusé, il a dit les Français chrétiens, tout ça. Parce que pourquoi il n'y a pas une éducation neutre, une éducation humaine. Quand on a parlé pour mariage pour tous, on peut commencer à partir de l'enfance dans la famille. Différences sexuelles, on doit accepter. Sinon, on crée homophobie. Alors, comme les conservateurs islamistes, conservateurs chrétiens, conservateurs juifs, bouddhistes, aussi, ou les autres, ils étaient contre mariage tous. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas de différence de les autres. Et bien quand on n'accepte pas de différence de les autres, ça peut créer homophobie. Et puis, vous ne créez pas dans votre discussion entre le problème, entre les sociétés actuelles, le contexte actuel, le nazi. Avant le nazi, en Italie, les fachos italiens en 1923, ils ont arrivé au pouvoir. En France, il y avait Action Directe et les autres mouvements. C'est important. Pourquoi c'est important? Il y a un rapport avec aujourd'hui aussi. Si on ne crée pas un rapport avec le contexte économique, contexte politique, contexte social, on ne peut pas expliquer montée de religion, montée de fascisme. Parce que la même question, aujourd'hui aussi devant nous, regardez, en France, Front National, c'est deuxième parti. En Turquie, ils étaient deuxième parti. En Autriche, en Hongrie, en Amérique, partout on développe. Et puis, il y a un travail artificiel. Ceux qui regardent le système économique, système politique, ils ont besoin des forces conservateurs. Parce que le système actuel, ça ne fonctionne pas. Pour freiner mouvement de gauche, mouvement progressiste, à partir de l'Amérique jusqu'à France, en France jusqu'à la Turquie, en Turquie jusqu'à Maroc, on développe les forces conservateurs. Parce que pourquoi? Ils ne sont pas contre capitaux. Ils ne sont pas contre société privée. Seule différence, les dirigeants de système, ceux qui gardent pouvoir économique, ils ont tiré une leçon. Ils ne laissent pas les fachos comme avant. Ils disent, vous êtes un chien, mais vous êtes obligés à attacher nous, votre limite, jusqu'à ici. On ne peut pas expliquer avec les commandes, autorité parentale, un homme grand, que les gens ils ont cherché, un homme comme Hitler. Les industries, les multinationales allemandes, ils avaient besoin d'un gouvernement de nazis. En France, ils ont besoin aujourd'hui du Front National, mais ils ne comptent pas sur eux. Pourquoi? Ils ne sont pas d'accord sur le programme économique, sur le projet de l'Europe. Dans les autres domaines, ils sont tous d'accord. Et puis, ils ont fait un remariage avec l'Église, avec les mosquées. Il faut créer un rapport avec l'actuel système. Sans créer un rapport avec l'actuel système, sur le plan psychosocial, psychoanalyse, on peut tromper. Merci. S'il te plaît, fais court. Hein. Oui. Non, je vais essayer de faire le plus, enfin, je vais faire le plus court possible. Je voulais vous. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une contradiction fondamentale dans ce que vous dites, qui est par rapport à ce que vous appelez fonction et ensuite ce que vous dites au niveau de la différence des sexes. Alors, qu'il y ait une différence des sexes qui soit au niveau biologique. Certes, je pense que tout le monde est d'accord, hein, les hommes n'ont pas des fins comme les femmes, etc. Bon, par contre, on pourrait parler de la fonction de la mère comme de la fonction du père, là, de façon purement symbolique. On pourrait dire, donc la fonction de la mère, c'est nourrir, porter, elle peut tuer, elle peut protéger. Non, mais je propose, hein, vous. Donc, si ça c'était la fonction de la mère, on pourrait dire, voilà, la fonction du père, du coup, c'est la loi. Mais pour moi, ça, c'est vraiment des fonctions symboliques. C'est-à-dire que ça peut être un homme ou une femme qui a ces deux fonctions-là. Par exemple, nourrir, porter, protéger, eh ben, ça peut être, je pense aussi, du coup, dans les couples homosexuels, hein, ça peut être un homme qui fait ça. Et par contre, l'autre fonction qui est d'introduire du tiers, en fait, dans le premier rapport, qui est un rapport de corps entre l'enfant et l'autre, donc le rapport de corps, voilà, nourrir, porter, etc., protéger. Et l'autre, c'est donc le rapport à la loi, le langage, qui vient faire une barrière entre ces deux corps pour les séparer. Donc, j'entends tout à fait ce que vous dites sur la fonction du père, qui peut-être n'est plus, etc., mais pour moi, ça n'a rien à voir avec homme et femme, la fonction du père ou la fonction de la mère. Et par exemple, quand vous disiez, je finis là-dessus, l'enseignant, il faut qu'il ait la fonction du père. Si pour vous la fonction du père, il faut qu'elle soit masculine, alors qu'est-ce qu'on fait des enseignantes? Et on va finir avec très court. Attends. Moi, je veux juste réintervenir une dernière fois. On a bien constaté que tout le monde, il y avait une grosse partie des désaccords, une grosse partie. Sans prendre à votre personnalité vous-même, de votre pensée, de votre constat. Si je constate vos propos que vous avez dit tout à l'heure, vous référez à une dame qu'elle a eu telle psychoanalyse ou etc. Qu'est-ce que vous voulez mener dans vos propos? Et ces propos, vous savez très bien, dans le monde médical, il y a des avis, il y a des expertises et des contre-expertises. Donc du coup, vous n'aurez pas la crédibilité d'affirmer la thèse de cette expertise. Et aussi que je ne tiens pas à négliger aussi. Ici, c'est un débat, une rencontre amicale éducation populaire pour l'éducation. Vous êtes rentré dans des propos dans le domaine de la vie privée. Et comme je vous ai rappelé tout à l'heure, le sens de professeur et une prof, c'est d'abord un métier humanisme. C'est comme les médecins, c'est un métier humaniste. Elle a fait ce métier-là, elle a choisi ce métier-là. Elle a fait 10 ans plus d'études. C'est pour être au service de l'humanité, être solidaire, comme le classiné le pacte Aristocrate. Donc sur ces termes-là, on est bien d'accord. C'est pas être professeur, c'est pas de la politique ou quoi que ce soit. C'est comme je vous ai dit, effectivement, les enfants, leur premier repère, c'est les parents. Donc du coup, c'est vrai, c'est des repères. Et il faut pas oublier que des mineurs, parfois quand ils sont jeunes, ils sont dans l'inconscience. Aussi, il y a des phases de puberté. Donc du coup, ils peuvent mûrir dans l'âge, ils peuvent acquérir de la conscience. Et que les professeurs, c'est un sens de partager le savoir, des principes. C'est comme quand ils ont des principes à la maison, ils ont des principes à l'école. Et dans le quotidien, et dans le monde du travail, dans la vie privée. C'est des valeurs universelles. Après, c'est vrai que pour mettre les parents en concurrence, je conteste tout à fait votre fait. Et le mot DS, c'est un nom, c'est pas un mot, vous référez à un nom. Donc il y a des mots qui ont des définitions, mais là vous référez à une signification. Donc du coup, je ne comprends pas que le sujet de toute puissance, pour mon point de vue, c'est complètement aussi hors sujet. Et ça n'a aucun rapport par rapport à l'éducation. Et là, donc, si je constate bien, vous pouvez me contredire, que vous avez bien dit que le père, c'est un fonctionnement. Quand je vous répète, je vous récapitule ce que vous avez dit, c'est un fonctionnement. Moi, je vous récapitule que être père, ce n'est pas un métier. C'est un rôle, c'est un soi, c'est une vie, c'est un plaisir. Y a pas que, c'est pas que des lois ou des règles. C'est une vie humaine d'abord. Donc par ça, je vous contredis complètement. Et vous avez dit qu'une fille elle se réfère avec une relation intime du père. Quel exemple vous prenez? C'est complètement hors sujet. Peut-être un sur un million. C'est des cas rarissimes. Donc du coup, vous ne pouvez pas stigmatiser et mettre tout le monde au même sac. Et autre chose, c'est très important que je vous dis, monsieur, c'est que dans les familles, à table, il y a des gens. À table, ils peuvent dire oui, j'aime bien, j'aime pas, je pense, je suis d'accord. Peut-être, d'accord, oui, non, on verra, partiellement, et pas avoir des désaccords, il y a tous des différences. On est égaux à terme, mais il y a des différences. On a tous des qualités, des défauts. Donc du coup, vous êtes un peu hors sujet pour manquer de respect dans le cadre privé. Et n'oubliez pas que l'éducation, c'est, avec, l'éducation, c'est les parents et les enfants, et les enfants avec les parents. Et quand ils vont à l'école, c'est là qu'ils vont dans le monde public. Ils font des rencontres, ils sont sortis de cocon familial. Je vous en prie, monsieur, mais franchement, je suis complètement en désaccord. Je termine comme ça, court. Voilà, moi, je vais rester courte. À supposer, effectivement, on est différents, l'homme et la femme, mais vous, la différence, vous la transposez dans les rôles aussi, le rôle d'autorité et d'autorité, et vous dites... Bon, bien sûr, on ne doit pas transgresser ces différences, il faut les respecter. Mais en même temps, vous dites que l'enfant naît avec quelque chose d'inscrit dans son inconscient, que la maman... Eh ben, écoutez, vous avez bien dit que l'image de la maman comme déesse, l'enfant naît, il l'a développée en étant fœtus, dans le ventre de la maman. Et il naît avec cette image que la maman est une déesse. D'accord. On suppose que cette sélection, elle est naturelle. Alors, qu'est-ce que vous proposez de modifier l'inconscient du fœtus pour qu'il n'y ait pas de dérive après? J'ai fini. Merci. Merci à tout le monde. Et Jean va répondre rapidement. Hein, tu peux faire une conclusion générale aussi. Hein. C'est pas la peine de répondre à tout parce que tu as déjà dit beaucoup de choses. Et ensuite, on passe à l'atelier suivant sur une réflexion sur la démocratie. Bon, simplement des petits points d'abord. On a parlé de mère déesse et de père roi. Et là, on voit bien la différence. Une déesse, c'est du domaine de la toute-puissance. Un roi, c'est du domaine du pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, on a parlé de la fonction de la mère. Nourrir l'enfant, donner de l'affection, ce n'est pas la fonction symbolique. C'est le rôle de la maman et éventuellement du papa. J'ai bien dit qu'il y avait trois dimensions, qu'il y avait la dimension biologique, le géniteur, la génitrice, le papa, la maman, et la fonction de mère et la fonction de père. Mais nourrir, donner de l'affection, c'est pas la fonction symbolique. Donc il ne faut pas confondre. L'inverse de la fonction de père, c'est la fonction de mère. La fonction de mère consiste à nommer un père. Et le père dit la loi. J'ai pas dit qu'il disait sa loi, j'ai dit qu'il disait la loi, c'est-à-dire la loi qui est décidée en commun. Donc il n'y en a pas un qui décide plus que l'autre. Le père dit la loi qui a été décidée ensemble. Donc il n'y a pas de supériorité de la mère sur le père. Je vais terminer simplement pour dire donc ce que j'ai dit au départ, c'est que j'ai eu énormément de mal à écrire mon dernier essai, donc qui s'appelle « Materner ou éduquer » en 100 pages. Et là, je vous l'ai bien dit, j'étais forcé de faire un peu de la caricature. Donc bien évidemment, il y a des explications que je n'ai pas données ici. Je suis obligé d'aller très vite. Donc il faut pas prendre les choses à la lettre et puis ne voir imaginer ce que j'ai pu dire. Donc je suis désolé et je m'excuse si j'ai pas été très bien compris, mais J'ai aussi un peu des excuses parce qu'en 20 minutes, ce n'est pas toujours facile d'expliquer dans le détail. Et en tout cas, je vous remercie. Je remercie les organisateurs de m'avoir donné la parole parce que c'est vraiment un sujet qui prête à débat et où les passions ne sont pas exemptes, malheureusement, parce qu'on est dans une période où on est encore dans la lutte contre le machisme et il est encore indispensable de lutter contre le machisme et remettre en cause une certaine idéologie féministe, c'est sûr que c'est mal vu aujourd'hui. Et je comprends très bien qu'on réagisse par rapport à ça, un peu avec ses tripes, et je trouve ça tout à fait normal. En tout cas, merci d'avoir permis ce dialogue, et j'espère que tout le monde aura retenu un petit peu quelque chose. En tout cas, moi, j'ai retenu pas mal de choses ici. Je vous remercie beaucoup. Merci Jean, merci à tout le monde. Alors si vous voulez continuer la conversation avec Jean, je pense qu'il est là, il va rester un petit peu, il peut vous donner plus de détails sur ce qu'il fait, ses idées et autres. Là on va continuer tout de suite avec Raled qui va nous poser la question vers la démocratie. Alors je vous invite à rester parmi nous.